L'épître de Jude. Lisez l'épître de Jude, et vous serez frappés de la profondeur de son message et de la variété des sujets abordés. En 25 versets, Jude nous a beaucoup donné. Il faut reconnaître que les écrits apostoliques sont d'une densité exceptionnelle. Or, seule l'inspiration du Saint-Esprit a pu communiquer aux écrivains sacrés du Nouveau Testament une révélation si riche sous une forme si condensée. Jude était, comme l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Mais il ne se prévaut pas de cette relation familiale lorsqu'il prend la plume pour exhorter, instruire et avertir l'Église du Seigneur. Il se présente « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques ». Remarquons tout d'abord qu'il évoque de nombreuses scènes de l'Ancien Testament. L'offrande de Caïn, la prophétie d'Enoch, la corruption des générations antédiluviennes, la destruction de Sodome et Gomorre, la sortie d'Égypte, la révolte de Corée contre Moïse et Aaron, l'égarement du devin Balaam, la mort de Moïse. Pourquoi tous ces exemples? Pour illustrer l'apostasie des derniers temps, sujet essentiel de cette lettre de Jude. Ce terme « apostasie » vient du grec « apostasia » qui se trouve deux fois dans le Nouveau Testament, Actes 21-21, 2 Thessaloniciens 2-3. Quelqu'un a comparé l'apostasie à un glissement de terrain, d'abord imperceptible, puis devenant un éboulement irrésistible ou, si vous préférez, une avalanche dévastatrice. Il n'est donc pas étonnant que l'épître de Jude soit l'une des plus sévères de tout le Nouveau Testament. Pressé dans son esprit en raison des dangers causés par l'apostasie, l'apôtre engage les croyants à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. L'on peut considérer cette phrase comme la clé de l'épître. Jude relie du reste cette phrase à l'ensemble de ses avertissements et en particulier au verset 4 qui la suit immédiatement. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Les chrétiens à qui Jude a écrit avaient été appelés par Dieu. Ils étaient aimés en Dieu et gardés pour Jésus-Christ, Jude verset 1. En un mot, ils avaient bien commencé. Ils avaient obéi au Seigneur et s'étaient conformés à la saine doctrine. Mais de faux apôtres et de prétendus croyants s'étaient glissés parmi eux. C'étaient des hommes qui méprisaient le caractère sacré de la grâce de Dieu et qui reniaient Christ. Ils s'étaient détournés de la foi originelle, un peu comme les anges déchus qui n'avaient pas gardé leur état originel et étaient devenus responsables de la perturbation de la race humaine avant le déluge. Jude, verset 6. Genèse, chapitre 6. De plus, ces apostats qui troublaient l'Église du 1er siècle étaient devenus aussi incrédules que les adversaires de Moïse en Égypte, verset 5. Ils se livraient à la débauche comme les gens de Sodome et se corrompaient comme des brutes, verset 10. Mais qui sont-ils aujourd'hui, les hommes qui répondent au qualificatif d'apostats? Ce sont de prétendus chrétiens qui, très souvent, ont en main l'Écriture sainte, ont connu la grâce de Dieu, ont même eu l'occasion d'accepter le salut en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas saisi cette opportunité et s'en sont volontairement détournés. À force de résister à Dieu, ils ont fini par s'opposer au message de l'Évangile et à le tourner en ridicule. Ayant rejeté Christ, ils sont tombés dans les pièges du diable. Comme l'indique le verset 11, ils ont suivi Caïn dans sa voie d'œuvre religieuse dont l'aboutissement a été le crime de la jalousie. Ils ont sombré dans l'égarement du devin Balaam qui, dans sa désobéissance à Dieu, s'est livré à l'occultisme et aux enchantements. Enfin, ils ont imité le lévite Corée dans ses ambitions et sa révolte contre l'autorité de Moïse. Le mépris de l'autorité est l'un des traits caractéristiques de l'apostasie. Jude en parle du reste dans les versets 8 à 10. Lorsque des hommes se soustraient à l'autorité de l'Écriture sainte et à l'éthique proposée par Dieu à la société ou à l'Église, l'anarchie s'installe. Et qui dit anarchie, dit impiété. Or, toujours selon l'épître de Jude, Hénoc, le premier prophète de la Bible, dénonçait déjà l'impiété il y a plus de 5000 ans, versets 14 et 15. Et l'impiété règne encore aujourd'hui sur le monde, plongeant notre civilisation post-chrétienne dans un abîme de déchéance sans précédent dans l'histoire. C'est pourquoi l'avertissement de Jude nous concerne. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Versets 17 à 19. Jude ne laisse cependant pas ses lecteurs dans l'impasse d'une situation sans issue, ni sous le poids de la condamnation des infidèles. Il les appelle à triompher et leur en indique les moyens, la foi, la prière par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu et la miséricorde de Jésus-Christ. Versets 20 à 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Puis Jude les invite à une saine réaction face aux apostats et à leurs victimes. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Versets 22 à 23. Des doctrines étrangères se sont infiltrées dans la chrétienté du XXe siècle pour saper la foi historique qui était celle des apôtres. On a remplacé l'autorité divine de l'Écriture par celle de la théologie libérale et des philosophies idéologiques. Un certain évangile social a remplacé l'évangile de la croix de Christ. Résultat, l'Église a oublié sa raison d'être et sa mission. Elle ne reflète plus la personne de son Sauveur et Seigneur. Et bien souvent, le monde n'a sous les yeux qu'une caricature du christianisme originel. Peut-être trouvez-vous cette brève étude quelque peu négative. Mais heureusement, si l'épître de Jude est sévère, elle aboutit à une note de victoire et d'espérance. Aussi ai-je hâte d'arriver aux deux derniers versets. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Mais avant que tous les vainqueurs soient réunis dans cette gloire pour chanter les louanges de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre Seigneur, il faut que les membres de l'Église universelle de Jésus-Christ soient victorieux ici-bas en résistant à l'apostasie. Le Seigneur peut vous préserver de toute chute, mais ne vous exposez ni à la décadence morale, ni au doute. L'apostasie vous aurait-elle déjà touché? Auriez-vous été entraîné dans ce glissement de terrain au point de ne plus retrouver le fondement solide et sûr du credo apostolique? Combien de chrétiens sincères se débattent aujourd'hui parce qu'ils ne savent plus que croire ou qui croire? En raison des faux docteurs et des conducteurs spirituels infidèles qui les ont fourvoyés dans des systèmes ou dans des théories contraires à la foi biblique. Je me souviens d'une expérience faite dans les Alpes. Avec quelques compagnons de cordée, nous avions traversé un glacier qui avait tant rongé sa moraine latérale qu'elle s'était écroulée sur un large front. Pourtant, il était impossible de poursuivre notre route sans nous engager dans ce passage devenu presque impraticable à cause de l'éboulement. Nous étions donc obligés de l'escalader. Pendant près d'une heure, nous avons cherché tant bien que mal à nous agripper au terrain mouvant. Il semblait que nous reculions à chaque pas, tant la pierraille était instable. Aucune touffe d'herbe à saisir, aucun bloc de rocher pouvant offrir un point d'appui. Impossible aussi de planter le piolet assez profondément et prévenir ainsi la dégringolade. Mais après un long moment d'anxiété, quel soulagement d'atteindre la terre ferme au-dessus de l'éboulement, d'accrocher d'abord sa main, puis son pied à quelque chose de sûr, et ensuite, à l'aide de la corde, de hisser les camarades se débattant encore sur la moraine mouvante. Il n'est qu'un terrain stable pour votre foi. Les Écritures, verbalement inspirées de Dieu dans leurs textes originaux. Ressaisissez-vous. Si vous l'avez perdu, retrouvez le terrain sacré du credo apostolique que Jude appelle la foi transmise aux saints une fois pour toutes, et que les cordages d'amour du Seigneur vous arrachent au doute et à l'apostasie pour vous amener à Christ et vous maintenir sur le terrain sacré de l'Écriture. Ainsi seulement serez-vous préparés à la gloire future réservée aux vainqueurs. Car celui qui peut vous préserver de toute chute vous fera paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse.